Vous écoutez France Culture. La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Troisième épisode, Kingi. Delphine arrive en Nouvelle-Zélande sur les traces de son ancêtre, un marin qui a participé au voyage de Marion Dufresne dans le Pacifique. Elle a dans sa valise les journaux de l'expédition et une dent de cachalot, sans doute un pendentif maori rapporté par son ancêtre 240 ans plus tôt. Afin de s'initier au moko, cet art du tatouage si particulier en Nouvelle-Zélande, elle se rend chez le tamoko practitionnaire Derek, un artiste réputé. Derek accepte de lui parler du moko et de la renaissance de cette pratique du tatouage depuis les années 70. Ébranlée par cette rencontre, elle décide de rendre aux Maoris le pendentif rapporté par son ancêtre. J'erre dans la banlieue d'Auckland avant de trouver l'adresse où Kingi, le chef Nakpui, m'a donné rendez-vous. Un cercle militaire avec une salle de billard. Le bar est décoré avec des photos de gradés. La serveuse m'indique un homme au fond de la salle. L'homme se lève martial, la cinquantaine athlétique. Son visage sort de la pénombre, il est presque entièrement tatoué à l'encre bleue. Kingi me fixe. Je ne détourne pas le regard. Il n'y a pas de défi chez cet homme, juste une façon de sonder mes intentions. J'aime cet échange que procure le contact des yeux. Il me demande qui m'a envoyé. Le tamoko practitionnaire Derek. Je commande comme Kingi un verre de vin rouge. Le vin du cercle militaire pique la langue. Kingi me demande ce qu'il peut faire pour moi. Je mentionne mon ancêtre qui a vécu avec les Maoris dans la baie des îles en 1772 et le voyage de Marion Dufresne. Je lui dis que j'ai avec moi les journaux de l'expédition, mais que j'aimerais entendre le récit d'un Maori sur ce premier contact. J'appartiens à une tribu, je ne sais pas si cela vous est familier. Chaque région a sa tribu, et à l'intérieur de la tribu, il y a un chef. Chaque tribu a ses propres pratiques. And of course, I come from the biggest tribe in New Zealand, which is the Ngāpuhi tribe. Je viens de la tribu la plus importante de Nouvelle-Zélande. C'est la tribu Ngāpuhi, qui s'étend d'Auckland à l'extrémité de l'île du Nord. Je viens de Waitangi. Le premier endroit à avoir été colonisé. C'est à Waitangi que je suis né, c'est là d'où je viens. Mon père vient d'une grande lignée de chefs. Et quand il est mort, je l'ai remplacé. Mon travail, c'est de discuter les questions de la tribu et de prendre des décisions. Quand je suis allé à l'école, j'avais un maître européen. And he said to me, "Who is your name?" Il m'a dit, comment tu t'appelles? Kingi. Kingi. Et je ne parlais pas anglais. And he said to me, "Go home, look for European name." Il m'a dit, retourne à la maison et trouve-toi un nom européen. My father can't speak Maori. I can't speak English. My mother couldn't speak English. Je suis rentré à la maison. Mon père et ma mère ne parlaient pas anglais. Le maître m'a dit, cherche un nom européen. Et ce qui s'est passé, on avait un agenda. Et il y avait le nom Albert. Et alors mon père m'a dit, Albert, go to school. Albert va à l'école. So I went back to school. Teacher said to me, le maître m'a dit, you got a European name? Yes. Quel est ton nom européen? Albert. And so my name was Albert. Oui, Albert, mon nom est Albert. Mon nom a été Albert pendant très longtemps. Quand j'ai intégré l'armée, j'ai oublié Kingi. Quand j'ai rejoint l'armée, ils ont voulu m'envoyer en Angleterre pour une formation. C'était en 1960. J'étais dans l'armée depuis 7 ans. To go to England, they selected me out of a group to go to England. Ils m'ont mis dans un groupe pour aller en Angleterre et me former militairement. Mon nom était Albert. We have to get you a passport. I said, get a passport. Je devais avoir un passeport. Ils ont écrit au ministère de l'Intérieur. Pouvez-vous envoyer un passeport pour Albert? Internal Affairs came back and said, there is no such person by the name Albert. L'Intérieur a répondu, il n'y a personne du nom d'Albert. He read back and said, no such person by the name. But there is a person by the name, same mother, same father. Du même père et de la même mère, il y a and he said to me, un Kingi. That's what they say. I said, and I remember. And I said, et je me suis souvenu. I forgot all about my name because I was from Iran. J'avais oublié mon nom. That's me. C'est moi. And so, yeah. And so from that day, I got this chicken and I threw it away and I kept my name Kingi. J'ai repris mon nom Kingi. Yeah. Et je suis allé en Angleterre. Yeah. Incroyable. Yeah. C'est ce qui s'est passé il y a de nombreuses années. Kingi me demande de lui raconter les événements rapportés par les officiers français. Ses ancêtres ont rencontré Marion. Il ajoute qu'à l'arrivée des Français, la zone est en pleine effervescence car les Nakpouis sont en train de chasser les Naktipous de la région. Je m'en tiens au fait. Les Français établissent d'abord des factionnaires pour veiller sur leurs affaires qui disparaissent. Certains habitants abandonnent leur paillote sur l'île où les Français ont établi un dispensaire et une forge. Un Maori est fait prisonnier car il a volé un sabre, mais Marion le fait libérer le lendemain. Enseigne de vaisseau roux. Premier jour de juin 1772. Je suis persuadé que les naturels croient très fermement que nous allons nous établir chez eux car on descend beaucoup d'effets des vaisseaux et on profite des paillotes abandonnées pour y mettre du gréement. Les habitants du village de Takuri, situé sur la Grande Terre, viennent nous voir très souvent. Ce village est le plus grand que nous connaissons. Il est fortifié au sommet d'une montagne. Ses habitants sont en grand nombre. Takuri est regardé comme un grand chef, il est fin et entreprenant. Presque tous lui rendent hommage et veulent en même temps lui faire la guerre. Ils veulent aussi nous engager à la lui faire. Les chefs se livrent des guerres très meurtrières. Plusieurs fois je leur demande pourquoi, mais je ne peux comprendre la raison qu'ils me donnent. Takuri vient souvent nous voir sur l'île Marion et à bord des vaisseaux. Il ne perd rien de ce qu'il voit, mais Marion le croit de bonne foi. Le 4 juin, nous avons de la visite au camp de Mature. Un chef avec toute sa famille. Il nous a fait entendre qu'il vient de l'intérieur des terres pour nous voir. C'est un bel homme à l'air distingué. Il pose beaucoup de questions auxquelles nous ne comprenons pas un mot. Nous lui faisons quelques présents. Sa femme est jolie. Elle a la figure peinte en rouge ainsi que les cheveux. Elle a la tête ornée de plumes comme son mari, mais les hommes en portent surtout quand ils vont à la guerre. Ce chef a une suite nombreuse. Leur curiosité satisfaite, ils continuent la route vers le village de Takuri. Kingi raconte qu'au début, les tribus croyaient que les hommes blancs étaient des gobelins, c'est-à-dire des fantômes ou des divinités. Quand les gobelins sont arrivés sur le rivage, les femmes et les enfants se sont cachés dans la forêt, et seuls les guerriers sont restés. Mais comme les gobelins sont restés longtemps, les habitants sont revenus un par un. Ils étaient charmés par la blancheur de leur peau et le bleu de leurs yeux. Les gobelins ont commencé à ramasser des huîtres et les habitants leur ont donné de la patate douce, du poisson et des racines de fougères. Les gobelins mangeaient et les habitants étaient stupéfaits. Peut-être que ces gobelins n'étaient pas comme leurs gobelins à eux. Ils allaient dans la forêt, grimper les collines jusqu'au village, ramasser des herbes. Les habitants se disaient « Mais pourquoi les gobelins font-ils ce genre de choses ?» Quand Marion Dufresne débarque 3 ans après le premier voyage du capitaine Cook, les tribus sont arrivées à la conclusion que les étrangers sont des hommes et pas des fantômes. Enseigne de vaisseau roux. Monsieur Marion se rend à la Grande Terre et nous sommes témoins d'un combat entre les gens du pays. À peu de distance du rivage sont campés 2 parties ennemies sur le point de se livrer bataille. Ils sont tous armés de lances, de flèches, de massues et d'une espèce de sagaie à dents, de sorte que quand on est blessé, il est impossible de la retirer. Ils ont encore une autre arme qui se met à la ceinture et qui est un casse-tête. le chef d'une des parties vient chercher la main de l'un de nos messieurs et le mène à la tête de son groupe. Ce chef était venu la veille à bord du vaisseau. Il donne ses ordres avec sang-froid et s'avance vers l'ennemi. Les adversaires, étonnés de voir un homme blanc et bien plus encore par les deux coups de fusil lâchés en l'air, prennent la fuite et abandonnent le champ de bataille. Les vainqueurs poussent de grands cris. À cette époque, conclut Kingi, les Maoris vivent dans un monde spirituel très fort. Quand les Français prennent le parti d'un groupe contre un autre, ils offensent le mana. Et cet affront appelle une réponse. Les Européens traduisent mana par prestige, mais cette traduction est imparfaite. Le mana exprime une force, une efficacité. Il concerne aussi bien les hommes que les objets. Il est le signe que les relations avec les ancêtres sont harmonieuses. Il permet aux échanges entre les vivants de bien se dérouler. Kingi ajoute, évasif, qu'il y a sans doute d'autres événements que les Français n'ont pas rapportés et qui ont provoqué de graves perturbations. Je l'interroge. Quels sont ces autres événements? Quelle est cette autre perturbation plus grave que l'introduction du fer, des cochons ou des maladies vénériennes dans une société jusqu'alors protégée du contact avec les Européens? Kingi ne me répond pas. Il repart en voiture à Waitangi, sa terre natale, à plus de 3 heures de route d'Auckland. Il me livre pourtant une dernière information. Un Anglais en 1830 a collecté le témoignage de Nakpui qui ont rencontré Marion. Il est sans doute possible de retrouver le manuscrit. Mon cœur se met à battre. La voici la part manquante. Celle que je pressens depuis le début du voyage, ce bout d'altérité qui fait défaut au témoignage européen. Il se dirige vers moi et me fait signe d'approcher le visage. Pendant un court moment, je ne sais pas ce qu'il veut. Il presse son front et son nez contre le mien. Ce contact me procure un bien-être inattendu. Je sens son souffle et la chaleur de sa tête. J'aimerais rester un peu plus longtemps comme ça, mais le salut traditionnel, le hongi, est déjà fini, et Kingi a quitté le cercle militaire. Lieutenant second Ledez, premier jour de juin 1772. Leur nourriture ordinaire est le poisson, les patates, les ignames et la racine de fougère. La racine de fougère est ce qu'ils mangent le plus communément, car la terre en est couverte. Ils commencent par faire passer le feu pour brûler toutes les tiges. Ensuite, ils retournent la terre avec une toise, comme nous avec une bêche. Ils ramassent les racines et les font sécher. Ils les font chauffer, les battent avec un maillet en bois et les mâchent pour en exprimer le suc. Après, ils crachent les filaments. Je l'ai trouvé amer. Il faut bien du temps pour en manger beaucoup. Ils sont longs à leur repas qu'ils font ordinairement en commun. C'est quelque chose d'amusant de rester parmi eux, de voir une quinzaine d'hommes, de femmes et d'enfants mettant au feu une racine, la battant et rebattant, et la mâchant à belles dents. Enseigne de vaisseau roux. Les marques d'amitié que nous donnaient journellement ces peuples n'ont pas manqué de créer du relâchement dans les principes, et ont fait de l'effet sur l'esprit de M. Marion, qui est aussi peu soupçonneux qu'incapable de crainte. Il a l'intention de se procurer toutes les connaissances possibles sur ce pays et sur le caractère de ses habitants. Il emploie à cette étude tout le temps qu'il lui reste après avoir donné ses ordres. C'est pour lui un délassement. Il sait que pour bien connaître les hommes, il ne suffit pas de vivre avec eux. Il faudrait qu'il soit possible de les voir sans en être vu, que ce n'est qu'avec leurs égaux, lorsqu'ils croient ne rien se devoir réciproquement, qu'ils sont vraiment libres, qu'ils s'observent le moins et se montrent tels qu'ils sont. Les premiers jours de juin, les naturels viennent voir souvent de quelle façon nous traînons le mât. Un jour, ils viennent en si grand nombre qu'on les soupçonne de mauvaises intentions. Il leur arrive parfois de tirer sur le palan pour aider nos gens. On se tient quand même sur nos gardes pour les empêcher de voler. Je m'aperçois qu'ils nous comptent, mais comme ils ne s'en cachent pas, nous n'y trouvons rien de suspect. Un après-midi, je vais à la chasse sur le bord de mer. Je trouve une superbe pirogue qui est échouée sous les arbres. Elle a 70 pieds de long et est d'une seule pièce. Nos messieurs ont envie de s'en emparer. Je leur conseille d'en faire l'achat. Ce serait mal de faire autrement car c'est autorisé alors les naturels à nous voler. J'apprends le lendemain que ces messieurs ont fait mener la pirogue au camp. Garde de la marine du Clémeur, 8 juin 1772. Le 8 juin, on profite du beau temps et on fait faire un bon trajet au mât. La même nuit, nous sommes inquiétés par un coup de fusil tiré à 10h du soir. Un des soldats qui garde le chantier nous apprend que les Zélandais se sont glissés dans le corps de garde et ont dérobé un fusil. Beaucoup étaient en embuscade. Ensuite, les soldats ont aperçu près des mâts des naturels qui ont emporté une partie du matériel. Nos soldats les ont chassés. Ils se sont retirés dans le bois où ils ont fait grand bruit. Les nôtres ne se sentent pas en sûreté. Un grand bruit, sans doute des trompettes de guerre pour impressionner l'adversaire. Les relations avec les Français s'enveniment. Peut-il en être autrement quand un peuple étranger s'installe chez un autre et que l'intention finale est de prendre possession des terres au nom du souverain qui vous envoie, de nommer les lieux à votre façon et d'exploiter de nouvelles ressources? Garde de la marine du Clémeur, 10 juin 1772. Pendant la nuit, les naturels sont restés tranquilles. Au jour, un détachement capture un chef et un jeune homme. Ce chef porte un très beau manteau et des plumes de guerre. Un homme dit qu'il était à la tête du parti qui a commis le vol. Sans prendre plus de renseignements, l'officier fait lier le chef à un poteau et lui fait comprendre ce qu'on cherche. Le chef prisonnier accuse du vol Takuri et Pikiore. Le 9 juin, avant midi, M. Marion désavoue l'officier car il a défendu sous aucun prétexte de maltraiter les naturels. S'il arrive que ces gens soient assez adroits pour dérober quelque chose, il a ordonné qu'on tâche de leur faire restituer sans leur faire de mal. Il est persuadé qu'en ne leur faisant aucun mal, ils ne chercheront jamais à nous nuire. Marion ordonne qu'on rende la liberté au chef et au jeune homme. Aussitôt le chef prend la fuite et pour mieux courir, il abandonne son manteau. Lieutenant second Ledez, 11 juin 1772. À l'établissement de Mature, nous sommes encerclés d'une multitude de gens armés. Une grande partie est près de nos baraques et les autres occupent le sommet de petites montagnes assez proches. Enseigne de vaisseau roux. Je me propose d'aller seul et sans armes apparentes pour leur demander ce qu'ils veulent. 4 viennent au-devant de moi. 2 sont des chefs que je connais et les 2 autres m'ont servi de guide un jour auparavant. En m'abordant, ils m'embrassent et me disent « Paillé, arrêt, maillé ». Ce qui signifie « Donne-nous la paix ». J'ai caché sous mon habit un sabre, je le prends et coupe un rameau. Ils comprennent très bien que je veux qu'ils s'expliquent. Ils prennent le rameau en demandant la paix et m'embrassent encore. Je les fais venir sous la tente. Ils réclament la pirogue, elle leur est rendue avec des pagaies. Ils promettent de revenir le lendemain avec du poisson. Je me présente à celui des chefs qui me paraît le premier de tous. Il me fait de l'amitié car il voit que je n'ai pas d'armes. Le chef et le jeune homme qu'on a tenu prisonniers ne sont pas venus rechercher leur manteau. Nous les présentons au vieux chef qui demande si on les a tués. Je lui dis que non. Il prend les 2 manteaux, les met en tas. Il récite quelque chose et ensuite, prenant un rameau, il le jette sur le manteau. À l'issue de cette cérémonie, 2 jeunes gens prennent les manteaux et les portent au village qui est de l'autre côté de la rivière. Lieutenant second Ledez, 12 juin 1772. Plusieurs, ensuite, viennent nous embrasser les uns après les autres, à leur façon qui est de se mettre nez contre nez. En apparence, cette cérémonie ne se pratique que dans certaines occasions, car on ne la connaissait pas encore. Ensuite, ils se dispersent. Enfin, nous étant fait bien des amitiés de part et d'autre, ils nous disent plusieurs fois « Apopoika », qui signifie « demain du poisson ». Un seul qui paraît bon et simple est resté constamment avec nous toute la journée. Le lendemain, nous reprenons nos travaux et à 8h du matin, il ne manque pas de nous apporter du poisson. Il faut encore nous embrasser. Il semble à nous voir que nous sommes d'anciens amis qui se retrouvent après une longue absence. Ils sont venus avec des femmes et pour répondre à leur politesse, elles sont bien fêtées. Le lendemain matin, j'attends devant les portes l'ouverture de la Turnbull Library. Au département des études maoris, je remplis une demande de recherche pour le manuscrit anglais qui contient le témoignage Nakpui sur Marion Dufresne. Le bibliothécaire me dit qu'il me fera parvenir la copie numérique du manuscrit s'il arrive à l'identifier. Avant de quitter la Turnbull, je reporte sur ma carte les lieux exacts du débarquement de Marion Dufresne à la baie des îles, la baie de Manawaora et au Punga Cove. Demain, je quitte Auckland, destination la baie des îles. Enseigne de vaisseau roux, 12 juin 1772. En me rendant à bord, je trouve M. Marion en train de pêcher dans l'anse de Takouri. Je lui raconte tout ce qui s'est passé au camp de Mathur depuis 2 jours. Il me dit que ce que ces naturels ont fait provient du fait qu'on a fait lier un de leurs chefs et qu'il ne peut y avoir que cette raison qui les a décidés à prendre les armes. M. Marion me demande d'aller prendre la garde sur l'île car l'officier qui commande est indisposé depuis quelques jours. Il fait aussi envoyer des renforts au camp de Mathur. La confiance envers les insulaires est telle que la garde sur l'île est bien modeste. Ce que je viens de voir me fait prendre des précautions. Je fais mettre en état les espingoles. Je les fais charger et les fais mettre à la porte de nos tentes. Depuis 5 à 6 nuits, les naturels viennent rôder autour des tentes et ils ont recommencé la nuit dernière. Le lendemain, M. Marion vient sur l'île et je lui dis ce qu'il se passe. Pour lui, ces gens n'ont pas d'autres intentions que d'attraper quelque chose. J'observe qu'il ne doit pas se livrer aux gens avec autant de confiance. Ces naturels ont de mauvaises intentions. Ils n'en croient rien et répètent qu'il n'y a qu'à les traiter avec bonté et qu'ils ne chercheront jamais à nous faire de mal. Il me raconte que le 8 juin, 2 jours avant, 2 chefs sont venus le chercher à bord. Il se rend à terre avec eux, accompagné par des officiers. Ces chefs l'ont fait monter sur la montagne voisine du village de Takouri. Il y avait là un grand rassemblement. Ils l'ont fait asseoir ainsi que les officiers qui étaient avec lui. Ils lui ont donné de nombreuses caresses et Marion a reçu une couronne de plumes. Ils lui ont montré tout le pays en lui faisant entendre qu'ils le reconnaissaient pour roi. Ils ont fait plusieurs cérémonies et l'ont traité avec un infini respect. On lui a fait présent de poissons et d'une pierre où est gravée leur divinité. De son côté, il a fait beaucoup de caresses et quelques présents, puis il a été ramené sur le bateau. Marion ajoute « Comment voulez-vous que j'aie une mauvaise idée d'un peuple qui me témoigne autant d'affection ?» Que signifie cette cérémonie ? Marion y est honorée comme un chef et pourtant la menace est partout latente. Les tribus sont-elles divisées ? Le soutien des Français est-il recherché par certains chefs alors que d'autres défient leur puissance et veulent les chasser ? Les faits sont contradictoires. Et je pressens que cette première rencontre arrive bientôt à son dénouement. C'était la trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. 3e épisode, Kingi. Une émission proposée par Emmanuel Chevrière. Avec Delphine Morel, la narratrice, Bruno Pavio, enseigne de vaisseau roux, Nicolas Racca, lieutenant Lodez, François Hatt, garde de la marine du Clémeur. Le témoignage en Nouvelle-Zélande du chef Kingi et les voix de Marina Moncade, Emmanuel Lemire. Assistance technique et montage, Pierre-Henri. Prise de son et mixage, Pierrick Charles. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Les extraits de journaux de bord de l'équipage du marquis de Castries et du Mascarin sont issus des Archives nationales de France, des archives de la famille Bougainville et des Archives nationales de Tasmanie.